الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المرسلين. Et que les prières et les salutations soient sur l'émir des prophètes et l'imam des envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين. Mes frères, mes sœurs en islam. نتابع دروسنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. On poursuit nos cours de la biographie du prophète, paix et salut sur lui, مع الدرس الثامن عشر, avec le cours numéro 18. رأينا في المرة الماضية كيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغار إلى بيته. Nous avons suivi, nous avons vu la dernière fois comment le prophète, paix et salut sur lui, est revenu de la grotte vers sa maison. بعدما تلقى الوحي الإلهي بواسطة أمير الملائكة جبريل عليه السلام. Après avoir reçu la révélation divine par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, paix et salut sur lui. فأخذته خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. Et Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle, c'est-à-dire l'épouse ou la femme du prophète, paix et salut sur lui, l'a pris rapidement vers son cousin ورقة fils de نوفل. الذي طمأن النبي صلى الله عليه وسلم, qui a bien rassuré le prophète, paix et salut sur lui, بأن الذي جاءه ما هو إلا الناموس أمين السر الذي كان ينزل على موسى عليه السلام, معنى جبريل عليه السلام. Il l'a rassuré comme quoi celui qui l'a visité dans la grotte n'est que le secrétaire, c'est-à-dire l'archange Gabriel, qui visitait de la même manière Moïse, paix et salut sur lui. وهنا أحب أن أقف وقفات. Et là, j'aime marquer quelques arrêts. الوقفة الأولى, le premier arrêt. مع ورقة بن نوفل, sera avec ورقة fils de نوفل. قد رفض عبادة الأصنام. Il a refusé l'adoration des idoles. وخرج من مكة يبحث عن دين يعبد به الله تعالى وتبارك. Il a abandonné carrément la Mecque lorsqu'il a refusé d'adorer les idoles avec les Mécois et a quitté la Mecque dans l'espoir de trouver quelque part dans la terre une religion saine avec laquelle il va adorer Dieu subhanahu wa ta'ala. وظل يبحث ويبحث. Il a continué à chercher et à chercher حتى وصل إلى العراق, jusqu'à atteindre l'Irak. وبالضبط مدينة الموصل, et exactement la ville Mossoul. فالتقى راهبا هناك, là-bas à Mossoul, il a rencontré un moine. فتنصر, il s'est converti au christianisme grâce au moine. وتعلم علوم النصرانية, et il a appris les sciences religieuses du christianisme. وقال له الراهب, et le moine lui dit, إن الذي تطلب سيظهر بأرضك, ce que tu cherches, ce que tu es venu chercher ici, va apparaître chez toi, dans ta terre, ça veut dire dans la Mecque. بمعنى, ceci signifie, أنت جئت من مكة إلى الموصل بالعراق تبحث عن الدين الصحيح. Tu es venu de la Mecque jusqu'à Mossoul pour chercher la religion correcte. فَعْلَمْ بِأَنَّ الدِّينَ الصَّحِيحِ سَيَخْرُجُ مِنْ مَكَّةِ. Sache que la religion correcte va apparaître dans la Mecque. وَرَجَعَ وَرَقَةُ إِلَى مَكَّةِ. Et Waraqa est revenu vers la Mecque en tant que chrétien, رَجَعَ نَصْرَانِيًا. وَأَطَالَ اللَّهُ فِي عُمُرِهِ. Et Dieu a prolongé sa vie حتى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم, jusqu'à ce qu'il a envoyé son messager Muhammad, paix et salut sur lui. وَشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ رَجُلٍ يَلْتَقِي بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّسُولُ يَلْتَقِي بِمُحَمَّد الرَّسُولُ أَوَّلَ رَجُلٍ يَلْتَقِي بِالرَّسُولِ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِالنَّبِي مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَرَقَةَ Et Dieu a voulu qu'il soit, ça veut dire Waraqa, le premier homme à rencontrer le prophète Muhammad, ou à rencontrer Muhammad en tant que prophète, mais non pas en tant qu'homme ordinaire, comme hier et avant-hier. لَقَدْ سَافَرَ بَعِيدًا عَنْ بِلَادِهِ Il a voyagé très loin de son pays, لِلْبَحْتِ عَنِ الْحَقِّ afin de chercher la vérité. وَتَكَبَّدَ مَشَقَّةَ السَّفَرِ Il a supporté la souffrance du voyage. Ce n'était pas un voyage comme aujourd'hui, des voitures ou des TGV ou des avions. يَبْحَثَ عَنِ اللَّهِ afin un voyage dur pour chercher Dieu, subhanahu wa ta'ala. فَسَهَّلَ اللَّهُ لَهُ الطَّرِيقِ Et Dieu lui a facilité le chemin et la route. وَسَاقَهُ إِلَى الْحَقِيقَةِ Et Dieu l'a conduit vers la vérité cherchée. وَأَعْطَاهُ وِسَامَ الشَّرْفِ Et Dieu lui a donné la médaille d'honneur. وِسَامَ أَوَّلْ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ La médaille du premier homme à embrasser l'islam. وَبَعْدَ مُدَّ قَصِيرًا مِنْ ذَلِكَ أَخَذَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ Et après un court délai de cette rencontre avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Dieu l'a pris vers lui. فَكَأَنَّمَا أَطَالَ اللَّهُ عُمُرَهُ حَتَّى يَرَى خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Et comme si Dieu le Très-Haut a prolongé dans sa vie rien que pour ou jusqu'à rencontrer le sceau des prophètes, paix et salut sur lui. مُكَافَأَةً لَهُ عَنْ رَفْضِهِ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ Comme salaire, comme récompense pour lui d'avoir refusé l'adoration des idoles et d'avoir cherché partout la vérité. وَمُكَافَأَةً لَهُ عَنْ بَحْثِهِ فِي الدُّنْيَا عَنِ الْحَقِيقَةِ أقول, je dis, مَنْ بَحَثَ عَنِ اللَّهِ وَجَدَ اللَّهِ Celui qui cherche Dieu trouvera Dieu. مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا إِلَى اللَّهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى لِقَاءِ اللَّهِ ذَهَبَ اللَّهُ إِلَى لِقَائِهِ Celui qui va à la rencontre de Dieu, Dieu va aussi à sa rencontre. وفي بعض الروايات سألت خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم Dans quelques récits, Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle, la cousine de Waraqa, interrogea le prophète paix et salut sur lui après la mort de Waraqa. C'est-à-dire à propos de lui. Il est où maintenant ? فأخبرها صلى الله عليه وسلم بأنه رآه في الجنة. Et le prophète paix et salut sur lui l'a informé comme quoi, ou lui a répondu comme quoi il l'a vu. Ça veut dire dans un songe nocturne. Et le songe nocturne des prophètes est une réalité. ورؤيا الأنبياء حق كما تعرفون رآه في الجنة. Comme quoi il l'a vu, il l'a repéré dans le paradis. ورق qui traversait les terres pour chercher Dieu سبحانه وتعالى a fini dans le paradis. فأخبرها بأنه في الجنة رواه الإمام أحمد والبزار وابن عساكر rapporté par l'imam Ahmed, l'imam Al-Bazzar et l'imam Ibn Asakir. وقال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية et Ibn Kathir a dit dans son livre d'histoire qui s'appelle son encyclopédie historique d'islam qui s'appelle le début et la fin بأن هذه الأحاديث كلها بإسناد جيد comme quoi tous ces récits ont une chaîne valable ثم قال عن ورقة et après ceci Ibn Kathir dit à propos de ورقة رضي الله عنه يعني قال ابن كثير ذكر اسم ورقة وقال من بعده رضي الله عنه Après avoir cité le nom de Waraqa, Ibn Kathir, ce grand savant, a rajouté que Dieu soit satisfait de lui. Et ça, c'est une formule qu'on ne peut dire qu'aux compagnons du prophète, paix et salut. Wa radiyallahu anhu la naquluha illa li sahaba. Bima'na huwa sahabi. Ça veut dire Waraqa, pour Ibn Kathir, est un compagnon. وكل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمى صحابي. Et quiconque a rencontré pendant sa vie le prophète paix soit sur lui a ce qualificatif ou a ce titre de compagnon. وإني أرى بأن قصة ورقة رضي الله عنه في بحثه عن الحقيقة. Et je trouve, mes frères et mes sœurs, que l'histoire de Waraqa lors de sa recherche de la vérité تشبه قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه. Cette histoire ressemble fort à celle de Salman le Perse, que Dieu soit satisfait de lui. الذي ترك عبادة النار, qui a renoncé à l'adoration du feu, parce que son peuple, les Perses, adoraient les flammes de feu. Et Waraqa a renoncé à l'adoration des idoles. وسافر إلى الشام. Salman a voyagé vers le Sham, vers la Syrie, Jordanie, Palestine d'aujourd'hui. وتنصر. Il est devenu lui aussi chrétien. وأخبره الرهبان بخروج نبي بأرض العرب. Et les moines, les trois moines ou les quatre moines qu'il a rencontrés, tous lui ont parlé d'un prophète qui va apparaître dans la terre des Arabes. فسافر إلى المدينة. Il voyagea par la suite vers Médine. والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. Et rencontra là-bas le prophète, paix soit sur lui. وأسلم. Et a embrassé l'islam devant le prophète, paix soit sur lui. أقول وكلتا القصتين معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. Et l'une ou l'autre de ces histoires est un miracle ou constitue un miracle pour le prophète, paix soit sur lui. تظهر صدق نبوته, qui montre la véracité de sa prophétie. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs. وأنا أفكر في قصة ورقة رضي الله عنه. Lorsque j'étais en train chez moi de réfléchir à cette histoire formidable de Waraqa, que Dieu soit satisfait d'elle, de lui, وجدتُ كأن الله جعله همزة وصل بين المسيحية والإسلام. J'ai trouvé que comme si Dieu a fait de lui un trait d'union entre le christianisme et l'islam. همزة وصل بين المسيح عيسى عليه السلام والصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. Comme si Dieu a fait de lui un trait d'union entre Jésus, le Messie Jésus, paix soit sur lui, et le sincère et véridique Mohammed, paix soit sur lui. ما أجمله من مشهد. Quelle belle scène. وما أجملها من صورة. Et quelle belle image. أول رجل يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. Le premier homme qui va croire ou qui a cru au messager de Dieu, paix soit sur lui, et qui a rassuré dans un moment difficile, il a rassuré le prophète, paix soit sur lui, et même sa femme Khadija, Rajulul Masih, un homme chrétien. Quelle belle image! Ma ajmalahu min mashhad, Rajulul Masih, yuslim, amam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'était un homme chrétien qui embrassa le premier l'islam devant le prophète, paix soit sur lui. Rajul min atba' Isa alayhi salam, un homme parmi les suiveurs, parmi les fidèles à Jésus, paix soit sur lui. Inni wajadtu bi anna Waraqa radiyallahu anhu, j'ai trouvé que en quelque sorte que Waraqa, que Dieu soit satisfait de lui, ikhtarahu Allah li yakun awwal masihi يطبق وصية عيسى عليه السلام لكل المسيحيين في العالم. J'ai trouvé en quelque sorte que Waraqa, que Dieu soit satisfait de lui, fut le premier chrétien dans la terre qui a appliqué le testament de Jésus, paix soit sur lui, fait à tous les chrétiens dans le monde. فعيسى عليه السلام وصى أتباعه. Jésus, paix soit sur lui, a recommandé à ses disciples, à ses apôtres, bil imani bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de croire à Muhammad, paix soit sur lui. قال الله تعالى وتبارك في آية قرآنية, Dieu le très haut dit dans un verset coranique, وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. هكذا قال عيسى عليه السلام: إني مصدق لما بين يدي من التوراة ومما جاء به موسى إلى غير ذلك، ولكن أبشركم بمجيء نبي من بعدي اسمه أحمد. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô fils d'Israël, je suis le messager de Dieu à vous, venant ajouter foi à ce qui m'a devancé comme Torah, ça veut dire Pentateuque, et vous annoncer la bonne nouvelle de la venue d'un messager qui viendra après moi, nommé Ahmed. » Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô fils d'Israël, je suis le messager de Dieu à vous, venant ajouter foi à ce qui m'a devancé comme Torah ou Pentateuque, et vous annoncer la bonne nouvelle de la venue d'un messager qui viendra après moi, nommé Ahmed. » Kalimat Ahmed, yani Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kalimat Ahmed, ta'ni alladhi yastahiqu alhamd. Le mot arabe Ahmed signifie celui qui est très digne de la louange. Hadihi البشارة الواضحة، cette prédiction nette et claire، كانت مذكورة في إنجيل برنابي، était mentionnée dans l'évangile de Barnabé، الذي أحرق مع أناجيل أخرى كثيرة بعد مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية. Cet évangile de Barnabé qui a été brûlé avec plusieurs autres évangiles après le concile de Nicée en l'an 325. ولا زالت منه بعض النسخ في المكتبات الوطنية بإنجلترا والنمسا وأمريكا. Et heureusement, jusqu'à nos jours, il y a quelques exemplaires de l'évangile de Barnabé dans quelques bibliothèques nationales en Angleterre, en Autriche et en Amérique. أما الأناجيل الأربعة الباقية, tandis que les quatre autre évangile restant, فواحد منها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. Un seul parmi les quatre a cité le prophète de l'islam, Mohammed, peace be upon him. تحت اسم البرقليطوس, sous le nom du Paraclet, le nom grec, exactement dans la langue grecque, on dit le Paraclétos ou Paraclétos. En français, on dit paraclet. Wa huwa injil Yohanna. Et il s'agit de l'évangile de Jean. Alladhi rawa khitab al-wada', qui a rapporté le discours d'adieu fait par Jésus, paix soit sur lui. Alladhi qalahu Isa alayhi salam lil hawariyin, ce discours fait de la part de Jésus, paix soit sur lui, à ses apôtres. Ba'da akhir ta'am. Et ceci a eu lieu après le dernier repas pris en commun. Dhakarahu fi arba'at suwar. Jean l'a cité dans son évangile dans quatre chapitres. Il a réservé à ce discours quatre chapitres successifs. Arba'at suwar mutatabi'a min ar-rabi' ashar ila as-sabi' ashar. À partir du 14e jusqu'au 17e chapitre, u'tikum huna ba'd al-maqati' minhu. Je vais vous donner quelques passages de ces quatre chapitres, et bien sûr je ne peux pas tout lire. Vous pouvez revenir à l'évangile et lire à partir du 14e au 17e chapitre de l'évangile de Jean. Si isma'u madha yaqul Isa alayhi salam, écoutez bien ce qu'a dit Jésus, paix et salut sur lui, d'après Jean, d'après ce qui reste jusqu'à maintenant. Si Isa alayhi salam yatakallam ma'al masihiyin, Jésus, paix soit sur lui, parle avec les chrétiens qui étaient avec lui ou à travers l'histoire, aux chrétiens qui vont venir après lui. Si vous m'aimez, إذا كنتم تحبوني, قل إن كنتم تحبوني, إن كنتم تحبوني, vous vous appliquerez à observer mes commandements, جاهدوا أنفسكم على تطبيق أو لتطبيق أوامري. إن كنتم فعلا تحبوني, أنا المسيح, أنا عيسى, جاهدوا أنفسكم, لتطبيق كلامي ولتطبيق أوامري. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. أنا سأدعو الأب. يعني سأدعو الله. Je prierai Allah, Dieu. Il vous donnera un autre paraclet. وسيعطيكم باراقليطوس آخر. باراقليطوس معنى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الباراقليطوس باليونانية تعني المحمود بالعربية، باسكو لو مو باراكليتوس غريك سينيفي اون اراب celui qui est digne de la louange، أحمد que le Coran a cité، يعني أحمد الذي قال القرآن. Donc là Jésus paix soit sur lui s'est engagé de prier Dieu pour envoyer après son départ vers Dieu un autre paraclet qui va le remplacer. يعني عيسى عليه السلام هنا يدعو الله أن يرسل للناس من بعد ذهابه إلى الله إنسانا آخر يكون في مكانه نبيا آخر. ويقول كذلك. Là c'était le verset 4, le chapitre 14 verset 15 et 16. Maintenant je passe à un autre passage. Le paraclet, l'Esprit Saint, يقول البرقليطوس الروح القدس. وموريس بوكاي درس دراسة معمقة هذا الكلام وقال أظن أن هذه الكلمة الروح القدس لم تكن في الأول وأضيفت لتموه المعنى ولتبعد المعنى حتى المسيحي لا يفكر في باراقليطوس آخر ولكن يفكر في الله يعني الروح القدس أو le paraclet, l'Esprit Saint, Maurice Bucaille, qui a fait une étude approfondie de ces passages, dit qu'il est possible que le mot Esprit Saint a été glissé ici, par erreur ou volontairement. Le paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il a dit si on enlève l'Esprit Saint, tout devient normal. Le paraclet que le Père enverra en mon nom, يعني الباراقليطوس الذي سيرسله الله باسمي, vous communiquera toutes choses, سيفصل لكم كل شيء, et vous fera ressouvenir de tout, de ce que je vous ai dit, وسيذكركم بكل ما قلت لكم. هذا الكلام دائما من الجزء 14 آية 26 يعني شابيتر 14 verset 26 ومن بعد يقول après il dit c'est votre avantage que je m'en aille من حظكم أن أذهب يعني من حظكم الوافر أني سأذهب. En effet فعلا si je ne pars pas le paraclet ne viendra pas à vous. إذا لم أذهب إذا بقيت معكم لن يأتي البرقليطوس يعني لن يأتي النبي القادم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من حظكم أن عندكم الزهر نمشي أنا عيسى باش يجي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول c'est votre avantage que je m'en aille. En effet si je ne pars pas le paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars je vous l'enverrai. ولكنني إذا ذهبت سأرسله إليكم. يعني هذا في الحزب 16 الآية 78 c'était là le chapitre 16 verset 7 et 8. ويقول من بعد il dit par la suite lorsque viendra l'esprit de vérité لما يأتي روح الحق il vous fera accéder à la vérité toute entière سيوصلكم إلى الحقيقة الكاملة car il ne parlera pas de son propre chef لأنه لا يتكلم من نفسه أو من تلقاء نفسه mais il dira ce qu'il entendra ولكنه سيقول لكم ما سمع يعني من عند الله et vous communiquera tout ce qui doit venir وسيخبركم بأنباء الغيب المستقبلية أو التي تأتي في المستقبل. ولقد وجدت توافقا كبيرا بين هذه الكلمات وقوله تعالى et j'ai trouvé un grand accord entre ces paroles chrétien de Jésus, paix soit sur lui, et ce verset coranique, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, إن هو إلا وحي يوحى. Ce n'est en fait qu'une révélation inspirée, et Jésus, paix soit sur lui, a dit, car il ne parlera pas de son propre chef. لأنه لا يتكلم. المسيح قال لأنه لا يتكلم من تلقاء نفسي. والله في سورة النجم قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Mais il dira ce qu'il entendra. تساءل موريس بوكاي في كتابه. موريس بوكاي dans son livre s'est interrogé. كتاب المسمى التوراة القرآن والعلم. Son livre nommé ou intitulé la Bible, le Coran et la science, ou ta'ajjaba, et s'étonna dans ce livre, limad al-anajil al-thalatha al-ukhra lam tatakallam an hadha al-khitab al-muhim. Sa question, son étonnement, pourquoi les trois autres évangiles n'ont pas abordé ce passage important ou ce discours d'adieu important qui trace pour les chrétiens qu'est-ce qu'ils doivent faire après son départ. Qu'est-ce qu'ils doivent suivre après son départ? Pourquoi les trois autres évangiles n'ont pas parlé de ce discours qui est très important? لماذا الأناجيل الأخرى الثلاثة لم تتكلم عن هذا الخطاب المهم, خطاب الوداع, le discours d'adieu, الذي يضم الوصية الروحية لعيسى عليه السلام, ce discours qui contient le testament spirituel de Jésus, paix soit sur lui. ثم قال, et après cette interrogation, il a dit, on peut se poser la question suivante. يمكننا أن نطرح السؤال الآتي. Le texte existait-il initialement chez les trois premiers évangélistes? هل كان هذا النص موجود أولا في الأناجيل الثلاثة؟ N'a-t-il pas été supprimé par la suite? هل أزيل فيما بعد من الأناجيل الثلاثة؟ وقال, et la dernière question, et pourquoi? ولماذا أزيل؟ ولم يجب عني السؤال. أقول, نرى من كلام المسيح عليه السلام, on voit à travers la parole de Jésus, paix soit sur lui, dans l'évangile de Jean, في إنجيل يعني يوحنا, أن العلاقة بين المسيحية والإسلام ليست علاقة صراع وحروب, que la relation entre le christianisme et l'islam n'est pas une relation de conflit et de guerre, comme ce que nous avons vu dans le passé à travers l'histoire. Mais il s'agit d'une relation de complémentarité. L'islam complémente le christianisme. Et j'appelle aujourd'hui tous les chrétiens إلى تطبيق وصية عيسى عليه السلام لما قال لهم, je leur demande, j'appelle les chrétiens à appliquer à la lettre le testament de Jésus, paix soit sur lui, qui leur a fait, si vous m'aimez, إن كنتم تحبوني, vous appliquerez à observer mes commandements, جاهدوا أنفسكم لتطبيق أوامري ثم أمرهم باتباع البرقليطوس. Et après il leur a demander de suivre le paraclet, yani Ahmed alayhi salam, ça veut dire Ahmed, paix soit sur lui, qui est le prophète de l'islam. Aqulu lahum, je leur dis, if'alu ka waraqa radiyallahu anhu, faites comme Waraqa, que Dieu soit satisfait de lui. Al-Masihiyul awwal alladhi aslam, le premier chrétien qui a embrassé l'islam. Ij'alu min Waraqa qudwa lakum, faites de Waraqa un modèle, un exemple pour vous. واسمعوا ماذا قال الله عن النصارى الذين أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. Et écoutez ce que Dieu a dit à propos des chrétiens qui ont embrassé l'islam à l'époque du prophète, paix soit sur lui, dans un verset coranique. ولا تحرموا أنفسكم من هذا الوصف ولا من هذا الأجر. Et ne vous faites pas priver ni de cette description ni de ce salaire auprès de Dieu. قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit, وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا معنى للمسلمين لنا نحن وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Tu trouveras que ceux qui ont l'amitié agissante la plus proche de ceux qui ont cru, ça veut dire ceux qui ont cru, ce sont nous les musulmans. Tu trouveras que ceux qui ont l'amitié agissante la plus proche de ceux qui ont cru sont ceux qui ont dit nous sommes chrétiens. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Et ce parce qu'ils ont des prêtres et des moines et qu'ils n'affichent aucune superbe ou aucun orgueil. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Dès qu'ils entendent ce qui a été descendu au messager, ça veut dire Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tu vois leurs yeux débordés de larmes. Ce sont des chrétiens. Mais lorsqu'ils entendent la vérité révélée à Mohammed, leurs yeux commencent à déborder de larmes. Tu vois leurs yeux débordés de larmes à cause de la vérité qu'ils y ont reconnue et ils disent « Notre Seigneur, nous avons cru, inscris-nous donc avec les témoins. » وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. Qu'avons-nous à ne pas croire à Dieu? Il y a ce qui nous est venu comme vérité, alors que nous aspirons vivement à ce que notre Seigneur nous introduise avec les gens vertueux. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ. أي مسيح يترك المسيحية ويسلم سيثيبه الله حسب هذا الوعد. فأثابهم الله بما قالوا وعلى رأسهم ورقة بن نوفل رضي الله عنه. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Dieu les récompensa alors pour ce qu'ils ont dit en leur donnant des jardins sous lesquels coulent des rivières et où ils seront immortels, telle est la récompense des bienfaiteurs. Et à leur tête, Waraqa ibn, fils de Nawfal. Wa aqulu lahum, et je leur dis, idha rafadtumul islam, si vous refusez l'islam, fa'ala al-aqal, la takunu a'da'an lahu, au minimum ne soyez pas des ennemis pour lui, bal kunu asdiqa'a lil muslimin, plutôt soyez des amis pour les musulmans. Wa nas'alu Allah al-hidayah li'ibadihi al-masihiyin, et on demande tous la bonne guidée par Dieu subhanahu wa ta'ala à tous ses serviteurs chrétiens. Al-waqf al-thaniya, le deuxième arrêt, ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa zawjatihi Khadija. Le deuxième arrêt sera avec le prophète, paix soit sur lui, et sa femme Khadija. An-nabi alayhi salatu wa salam, لَمَّا جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ, lorsque pour la première fois le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a reçu la visite de l'archange Gabriel, paix soit sur lui, وَرَجَعَ خَائِفًا إِلَى مَكَّةَ, et il est revenu effrayé vers la Mecque, de la grotte vers la Mecque. أَيْنَ ذَهَبَ, où est-il parti? Où est-il passé? مَعَ مَنْ تَكَلَّمَ, avec qui a-t-il parlé? هَلْ ذَهَبَ عند عمه العزيز الغالي أبي طالب الذي رباه. Est-il parti chez son bien-aimé et son très cher oncle qu'il a élevé, l'oncle Abu Talib? لا, non. هل ذهب عند أكبر صديق له أبي بكر الصديق رضي الله عنه? Est-il parti pour parler, parce qu'il s'agit de choses importantes, est-il parti pour rencontrer son plus grand ami, Abu Bakr? Que Dieu soit satisfait de lui. La, non. Dhahaba ila bayti. Il est parti chez lui, à sa maison. Dhahaba ila zawjatihi Khadija, radiyallahu anha. Il est parti rencontrer sa femme, Khadija. Que Dieu soit satisfait d'elle. Comme ce que nous avons vu dans la fois précédente. Haka sirrahu ila zawjatihi awalan. Il a raconté son secret premièrement d'abord à sa femme. وكم أتعجب من الذي يترك زوجته ليتكلم بأسراره مع أصدقائه. Et combien je m'étonne de celui qui laisse de côté sa femme pour parler de ses secrets avec ses amis. ويتكلم في مشاريعه مع أصدقائه. Et il parle de ses discute de ses projets à venir avec ses amis. Et peut-être parmi les amis, il y a des jaloux de lui. وربما من بين أصحابه هناك حساد له وزوجته لا تعرف شيئا. Il a parlé avec les amis de ses projets, de ses secrets, et sa femme ne sait rien de tout ce qu'il a dit. زوجته آخر من يعلم. Sa femme est la dernière à connaître. Elle va apprendre peut-être ceci chez les voisins ou chez les amis. أقول نفس الشيء للزوجة التي تفعل نفس الخطأ مع زوجها. Je dis pareillement à chaque femme ou à la femme qui fait la même erreur à l'égard de son mari. وزوجها آخر من يعلم. Et son mari est le dernier à connaître ou à savoir ses projets ou ses secrets. أقول للإثنين. Je dis aux deux, أخي, frère, ليس هناك في الدنيا أحد يحب لك النجاح أكثر من زوجتك. Dans tout le monde, mon frère, il n'y a pas quelqu'un, wallahi, il n'y a pas quelqu'un pour toi ou qui aime pour toi le succès mieux que ta femme. Parce qu'elle est liée avec toi par le mariage. Elle cherche ton succès, elle cherche ta réussite. Mais peut-être un ami, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Pourquoi tu prives ta femme? Pourquoi tu te prives de ce privilège qui est être marié, avoir une femme? Et je dis à ma sœur, dans le monde entier, il n'y a pas pour toi quelqu'un qui aime le succès pour toi plus que ton mari. قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit dans un verset coranique, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, et il a établi entre vous des liens de tendresse et de miséricorde, des liens d'amour et de clémence. فَإِذَا كَانَتْ الْمَوَدَّةُ وَالرَّحْمَةُ, en cas de présence de tendresse et de miséricorde entre le mari et sa femme, فَتَجِدْ الرَّجُلُ يحس بأن أحسن الأوقات هي التي يقضيها مع زوجته. Tu vas voir que le mari sent que les meilleurs moments pour lui sont les moments qu'il passe à côté de sa femme. والزوجة كذلك, et de la même manière la femme. والعكس صحيح, le contraire est vrai. يتكلمان بهدوء في مصالحهما المشتركة, les deux abordent leurs intérêts communs, ils parlent de leurs intérêts communs, masalih awladihima, ils parlent des intérêts de leurs enfants, mashari'ihima, ils parlent de leurs projets ensemble, etc. Idhan adamat hadhihi al-mawadda war-rahma, en cas d'absence de cette tendresse et de cette clémence, cette miséricorde divine, tajid az-zawj yakrahu baytahu kama yakrahu jahannam. Tu trouves le mari qui déteste son foyer comme il déteste l'enfer. Et tu trouves que la femme déteste son foyer comme elle déteste l'enfer. Tout le monde ou les deux vivent à l'extérieur de la maison conjugale. كل واحد يبي يعيش بعيدا عن الآخر. Chacun vit loin de l'autre. كل واحد له برامجه. Chacun a ses programmes et ses projets. كل واحد يدخل للبيت تعبانا. Chacun entre chez lui ou dans le foyer fatigué, très fatigué. يدخل فقط للنوم. Il entre uniquement pour dormir. أقول, je dis, ما أكبرها من خسارة. Quelle très grande perte. Zawaj min ghayr irtibat. Un mariage sans attachement. Hada zawaj yanqusuhu isman al-mawadda war-rahma al-ilahiyya. Ce mariage, pour tenir, il lui faut ou il lui manque le ciment de la tendresse et de la miséricorde divine. Ma akbarahu min hirman. Quel gâchis. Quelle grande privation. فالمحروم والله المحروم هو الذي لا يجد مودة أو رحمة تجاه زوجته. Le plus grand privé est celui qui est privé de la tendresse, de l'amour, de l'affection, de la miséricorde à l'égard de sa femme. هو لا يعرف هذا الشيء. Lui, il ne connaît pas ceci, cette chose qui s'appelle tendresse et miséricorde envers la femme. Il ne connaît pas ce vocabulaire. والمحرومة, هي التي لا تجد مودة ورحمة تجاه زوجها. Et la grande privée est celle qui est privée de cette clémence, de cette amitié, de cette tendresse à l'égard de son mari. الذي يجمعهما في الزواج هو الأولاد فقط. زواج من صبر من أجل المصلحة. Ce qui les unit toujours, c'est la patience pour les enfants. Le mariage pour préserver le mariage, bien sûr, et les enfants. Rien que ça. ولولا الأولاد لكان الفراق. Et en absence d'enfants, s'il n'y avait pas les enfants, il y allait avoir la séparation. وأقول للإثنين. Je dis aux deux. لا أحد يستطيع أن يجعل بينكما المودة والرحمة غيره سبحانه وتعالى. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde, c'est pas le sorcier ou autre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut établir entre vous deux la clémence et la miséricorde, la tendresse à part lui. كن مؤمنا. كوني مؤمنا. وسيدخل الله في قلبيكما المودة والرحمة. Sois croyant. Et sois croyante, et c'est Dieu le Très-Haut qui va faire entrer dans vos cœurs la clémence et la miséricorde, l'un vers l'autre. Ça va être le cadeau de la part de Dieu pour votre foi. ستكون الهدية من الله لإيمانكما. وأخاف أن تكون بينكما أخطاء متبادلة. Je crains qu'il y ait entre vous deux des fautes, des erreurs mutuelles. جعلت هذه المودة والرحمة تبتعداني. Qui ont fait telle sorte que cette miséricorde, cette tendresse s'éloigne de votre foyer. Amma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, tandis que le messager ou le prophète paix soit sur lui, falamma 'ada min al-jabal yahmilu 'ib' ar-risala, lorsqu'il est revenu de la montagne, de la grotte, portant le grand poids, le grand fardeau du message, ashraka zawjata, il a fait associer sa femme avec lui. هذه هي السنة النبوية. C'est ça ou telle est la sunna du prophète paix soit sur lui. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشرك زوجته. Le prophète paix soit sur lui a bien associé sa femme. وتكلم مع زوجته في أمر رسالة تخص الناس جميعا إلى يوم القيامة. Il a fait associer dans sa discussion, dans sa conversation, dans son projet qui concernait un message pour l'humanité entière, quelque chose de très, très, très important qui concerne les univers, parce qu'il a été envoyé pour les univers jusqu'au jour de la résurrection. Il a parlé avec qui ? Il a parlé avec sa femme. Pour ce message qui est lourd, qui est important, il a associé qui ? Son oncle ? Son ami Abu Bakr ? Non, sa femme. Khadija, radiyallahu anha. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يهم الدنيا في أمر يهم العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في أمر الأمة إلى يوم القيامة مع من سيتكلم مع عمه أبي طالب مع حبيبه أبي بكر لا مع زوجته خديجة رضي الله عنها هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تل إي لا سنة دي بروفيت بي إي ساي سور لوي و أتعجب كيف يقال بأن الإسلام همش المرأة. Et combien je m'étonne lorsque j'entends dire que l'islam a marginalisé la femme. مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها. Une fois, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, était avec Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle. فقالت له يا ابن العم. Elle lui dit au cousin, au fils de mon oncle, أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك. Es-tu capable de me prévenir de ton ami qui te vient lorsqu'il va venir chez toi la prochaine fois? قال نعم. Il dit oui, pas de problème. يعني هي تتكلم عن جبريل عليه السلام. Elle signifie par là l'archange Gabriel, paix soit sur lui. قال نعم. Il dit oui. فلما جاءه جبريل عليه السلام, lorsque la prochaine fois l'archange Gabriel, paix soit sur lui, lui est venu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها هذا جبريل قد جاءني. Il a dit à sa femme, comme convenu, oh Khadija, voici l'archange Gabriel, qui est venu, le voici. Qalat, elle dit, subhanallah. Lui, le prophète, il voyait l'archange Gabriel, et elle, Khadija, sa femme, ne voyait pas l'archange Gabriel, qui était avec eux. Subhanallah. Huwa kan yara. Jibril alayhi salam. Wa hiya bi janibihi la tara Jibril alayhi salam. Qalat, elle dit, Qum yabna al-am, fajlis ala fakhid al-aysar. Oh mon cousin, lève-toi et assis-toi sur ma cuisse gauche. Faqama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fajalasa alayha. Le prophète Mohammed se leva et s'assit sur la cuisse gauche de Khadija. Qalat, elle dit, Hal tara, le vois-tu toujours? Qala na'am. Il dit, oui, je le vois toujours. Qalat, fatahawwal fajlis ala fakhid al-yumna. Change de position, assis-toi maintenant sur ma cuisse droite. Fatahawwala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fajalasa ala fakhidha al-yumna. Et le prophète paix soit sur lui changea de position et s'assit sur la cuisse droite de Khadija. Qalat, hal tara? Elle dit, le vois-tu toujours? Qala na'am. Il dit, oui. Qalat, tahawwal fajlis fi hijri. Change de position et assis-toi sur mon giron. Fatahawwal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hijriha. Et le prophète paix soit sur lui changea de place pour se mettre sur son giron. Qalat, hal tara? Le vois-tu toujours? Qala na'am. Il dit, oui. Fa'alqat khimaraha. Elle ôta son, elle a retiré son voile, ça veut dire elle a découvert ses cheveux. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jalisun fi hijriha. Et toujours le prophète paix soit sur lui était sur son giron. Thumma qalat hal tara? Elle a dit, tu le vois toujours? Qala la. Il a dit non, je le vois plus. Qalat, elle dit à ce moment, yabna ammi, oh mon cousin, uthbut, raffermis-toi. Wa abshir, je t'annonce la bonne nouvelle. Fa wallahi innahu la malak wa ma huwa bi shaytan. Par Dieu le Très-Haut, il s'agit d'un ange et ce n'est pas un démon. Ara'aytu ila dhaka'i wa hikmat Khadija radiyallahu anha. Avez-vous vu l'intelligence et la sagesse de notre mère Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle? Laqad qamat bi imtihan. Elle a effectué un test. Li ta'rif هل هو ملك ام شيطان. S'agit-il, pour connaître, s'agit-il d'un ange? Est-ce que son mari parle d'un ange ou d'un démon? وبذكائها وحكمتها توصلت الى الحقيقه. Et grâce à sa sagesse et son intelligence, elle a atteint la vérité. ربما واحد فينا نحن من المصلين في هذا المكان لا نستطيع ان نفكر هذا التفكير ونصل الى هذا المستوى من الذكاء والفطنه. Peut-être même nous maintenant dans à notre époque très avancée, peut-être on va pas réfléchir comme elle et on n'aura pas la même idée pour détecter s'agit-il d'un ange ou s'agit-il d'un démon. وكانت اول انسان امن واسلم. Et elle fut le premier ou la première personne à croire et à embrasser l'islam. Une femme, où la femme était la première personne à embrasser l'islam dans notre religion. Ara'aytu kayfa kana yata'amal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma'a zawjatihi. Avez-vous vu tous mes frères comment le messager de Dieu se comportait avec sa femme? Biluyun wa sabr, avec douceur et patience. Ijlis huna, assis-toi là. La ijlis huna, non, assis-toi là. La tahawwal huna, non, change de position, viens ici. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaf'al ma tatlubu zawjatuhu. Et à chaque fois le prophète paix soit sur lui faisait ce que sa femme demandait. Allahumma salli wa sallim wa barik ala amir al-anbiya'i wa imam al-mursalin adad al-makhluqati ajma'in. Ô notre Seigneur, accorde tes salutations, tes prières, tes bénédictions aux à l'émir des prophètes et l'imam des envoyés au nombre de toutes les créatures. لو كان واحدا منا لقال لها. Si c'était l'un de nous, il allait lui dire, اسمحي لي, ليس عندي وقت. Excuse-moi, je n'ai pas de temps. Je suis occupé, j'ai beaucoup de choses à faire. هذا إن كان مؤدبا. S'il s'agit d'une personne polie, ما شاء الله. وأما إن كان قليل الأدب. Mais s'il s'agit d'une personne qui manque de politesse, سيقول لها لا تسخني لي الدم. لا تسخني دمي. ما تطلعيش لي الدم. تفهمي؟ إيش نودي يجلس هنا جلس نتحو. بعدين. Il va lui dire, ne surchauffe pas mon sang, ne m'énerve pas. Le troisième et dernier arrêt, et par la suite, il y a eu l'arrêt de la révélation. Il y avait une coupure, une interruption de la révélation. Comme je l'ai souligné dans la fois précédente, et la période d'arrêt de révélation a duré, a beaucoup duré. Le prophète, paix soit sur lui, est devenu tout triste. Le prophète, paix soit sur lui, revenait de temps en temps à la grotte, le lieu où il a reçu la première fois la révélation. Dans l'espoir, peut-être il y aura l'archange Gabriel qui va revenir comme il est venu la première. Il partait vers les sommets des montagnes autour de la Mecque. Peut-être l'archange Gabriel va revenir vers lui une autre fois. Mais sans intérêt. ويعود صلى الله عليه وسلم إلى بيته في كل مرة حزينا. Et à chaque fois, ou à chaque reprise, le prophète, paix soit sur lui, revenait triste vers lui. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يدور ويدور ويطوف بمكة وهو حزين. Imaginez avec moi le prophète, paix soit sur lui, triste, qui tournait dans la banlieue de la Mecque, dans les hauteurs des montagnes. Et revenait tout triste vers lui. Et imaginez Khadija avec moi qui attend devant la porte l'information. Et lorsqu'il revient, elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a, mon cousin? Et il dit, il n'y a rien, ô Khadija. Et c'est على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هو الذي يخترع الوحي. Ceci fut une preuve évidente comme quoi c'était pas le prophète paix soit sur lui qui inventait les versets coraniques, qui inventait la révélation. ودليل على أنه لم يكن الوحي يأتيه متى أراده ولكن متى أراد الله. Et ceci fut une preuve évidente comme quoi la révélation ne venait pas vers lui quand lui il voulait, mais quand Dieu subhanahu wa ta'ala il voulait. Wa fi ihd al marrat, et une fois, wa huwa nazil min ghar Hira, en descendant de la grotte de Hira comme d'habitude, sami'a nida'an, il a entendu une voix. Fa nadhara an yaminihi fa lam yara shay'an, il regarda à droite sans rien trouver. Wa nadhara an shimalihi فلم يرى شيئا. Et regarda à gauche, il n'a rien trouvé. ونظر أمامه لا شيء. Il a vu devant, il n'y a rien. ونظر خلفه, il a vu derrière lui, rien. لا شيء. فرفع رأسه, il leva la tête. فإذا الملك الذي جاءه بحراء, il repéra dans le ciel l'ange qu'il a vu auparavant dans la grotte de Hira, جالس على كرسي بين السماء والأرض. L'ange assis sur un trône entre le ciel et la terre. Il remplit entre le ciel et la terre. فجت النبي صلى الله عليه وسلم رعبا على ركبتيه إلى الأرض. Et le prophète, paix soit sur lui, tomba par peur, par panique, effrayé, sur ses deux genoux, sur le sol. ثم أسرع إلى خديجة. Et il se précipita vers qui? Abu Bakr, Abu Talib, non, vers Khadija, vers sa femme Khadija. فقال لها, pour lui dire, زميلوني زميلوني, couvrez-moi, couvrez-moi, دتيروني, couvrez-moi tout de suite. صبوا علي ماء باردا, versez sur moi une eau fraîche. فنزلت. Et il y a eu la révélation, la deuxième révélation dans l'histoire de l'islam. Ya ayyuha al-muddathir qum baraka min nas qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir. Ô toi qui te blottis sous tes couvertures, debout, c'est fini le repos, debout et averti et proclame la grandeur de ton Seigneur. Et après cet événement, la fréquence des révélations augmenta et la révélation se succéda, muttafaqun alayh, unanimement authentique, rapporté par le Bukhari wa Muslim et d'autres imams du hadith. Wa bihadihi al-ayat صار النبي صلى الله عليه وسلم أو صار محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. Avec ce verset, avec cette deuxième révélation, Muhammad, paix soit sur lui, est devenu un messager. Avant, il était un prophète. قبل كان اقرأ باسم ربك الذي خلق كان نبيا. Avec la première révélation, il est devenu un prophète. Mais avec cette révélation, cette fois-ci, il est devenu un messager. Limada li'anna Allah qala lahu qum fa'andir an-nas. Qum fa'andir. Debout et averti. Ça veut dire maintenant il a la mission d'avertir les autres, de transmettre le message aux autres. Il est devenu tout simplement un messager. Fil awwal kana nabiyan faqat lam yu'mar bit-tabligh. Au début, il est devenu avec la première révélation un prophète, il n'a pas reçu l'ordre de transmettre. وبعد فترة انقطاع الوحي, mais après la période de coupure de la révélation, أتاه الأمر بتبليغ الرسالة, il a reçu les ordres suprêmes de Dieu de transmettre le message. وهكذا ستتغير حياة محمد صلى الله عليه وسلم. Ainsi la vie de Muhammad peace be upon him va changer من رجل عادي, d'un homme ordinaire, إلى رجل داعٍ إلى الله, à un homme qui fait l'appel à Dieu, min ghayri raha, sans repos, naharan wa masa'an, jour et nuit. Le jour, il fait l'appel, et la nuit, il fait les prières. Li muddat 23 sana, et ça va rester, ça va durer pendant 23 ans jusqu'à la mort. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت, نسألك بفضلك وجودك أن تهدي عبادك النصارى للإسلام. يا رب إننا في هذه البلاد بينهم, اللهم أدخلنا عليهم بالإسلام, اللهم اجعلنا سببا في إسلامهم. يا رب لا تحرمهم من هذا الخير, يا رب ردهم إلى الإسلام واهدهم إلى الإسلام كما هديت عبادك من قبل في جميع الأرض إلى الإسلام. يا رب أرنا قدرتك في ردهم إلى الإسلام, يا رب أرنا عجائب قدرتك في ردهم إلى الإسلام. يا سيدي يا مولاي يا من لا إله إلا أنت, نتوجه إليك في هذه الليلة بعد تتمة هذا الدرس لنقول لك يا رب كما جمعتنا في هذا المسجد حول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاجمعنا غدا يوم القيامة حول شخصه صلى الله عليه وسلم. Ô notre Seigneur, comme tu nous as unis aujourd'hui dans cette mosquée autour de sa sira, autour de sa biographie, rassemble-nous avec lui le jour de la résurrection, mais autour de sa personne. Innaka ala kulli shay'in qadir, subhanaka allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.